الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 59 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى avec le شرح du شيخ lui-même de ce livre. Donc le شرح du شيخ ابن عثيمين du livre de Cheikh Ibn Uthaymeen. Et on est arrivé donc à la fin de l'explication des règles au sujet de Al-Asma wa Sifat et les principes à respecter par rapport à cette règle-là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va expliquer? C'est le passage suivant. Il dit « Wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbatahu Allah li nafsihi » أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. Donc le cheikh il dit, nous croyons en le fait qu'il faut affirmer tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même ou ce que Allah tout ce que Allah a affirmé pour lui-même ou tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah parmi les noms et les attributs. Donc ça, on a commencé à l'expliquer au dernier cours. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit à ce sujet-là, إذن ليس في صفات الله نفي محض. Donc on a dit ça déjà. وقوله ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله لا نبدل ولا نحرف ولا نغير. Donc nous croyons en tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et comme attribut, et c'est obligatoire pour nous de croire en cela, hein, de reconnaître que c'est la vérité et d'y croire avec conviction et que c'est la vérité. Et de même, il faut affirmer ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme nom et comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière qui a été voulue par Allah et son messager, sans qu'on ait à changer ou falsifier ou déformer quoi que ce soit de ces noms et de ces attributs-là. D'accord? Et le Cheikh il dit ensuite, وَلَكِنَّنَا نَتَبَرَّأُ مِنْ مَحْذُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ وَهُمَا التَّمْثِيلُ وَالتَّكِيفِ. Toutefois, hein, nous devons nous désavouer de deux interdictions, de deux choses qui sont interdites par rapport aux noms et aux attributs d'Allah. Le premier c'est At-Tamthil et le deuxième c'est At-Takyif. Et on a expliqué que At-Tamthil, hein, At-Tamthil, c'est le fait de vouloir comparer Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, hein, de faire des ressemblances entre le créateur et la créature. Et At-Takyif, c'est-à-dire d'essayer de décrire le commun, hein, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de demander comment sont ces noms et ces attributs. At-Takyif. Takyif. Ça vient du mot kayf. Hein, et tamthil, ça vient du mot mithl. Mithlu. Mithlu. Et, hein, et At-Takyif, ça vient du mot kayf, kayfu. Ça veut dire comment. Donc takyif, c'est le fait de demander le comment, et At-Tamthil, c'est le fait de vouloir comparer ou faire ressembler. Et le cheikh, il explique ça, hein, et on va lire l'explication maintenant à ce sujet dans la traduction qui a été faite par Dar es-Salam. Juste pour vous montrer un petit peu la façon dont certains ont traduit ça. Donc il dit, nous croyons en l'existence de tous les noms et attributs qu'Allah s'est attribué à lui-même. Donc eux ils disent, nous croyons en l'existence, alors que le cheikh il dit plutôt, nous croyons en l'affirmation de tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut. Donc l'existence et l'affirmation, c'est pas nécessairement la même chose. Mais bon, ça c'est comment il l'a traduit. Et ils disent aussi, ou par laquelle son messager l'a décrit. Donc il y a une différence entre décrire et affirmer. Yani asbata et wasafa, yani ou bien yani comment c'est décrit. Donc ici la traduction elle est pas précise, disons. Il dit mais nous désavouons deux tendances très graves dont il convient absolument de se garder. Hein? Donc c'est ça. Et il mentionne les deux. At-tamthil wa at-takif. Voici comment lui, il a traduit, le traducteur de ce livre, de Dar es-Salaam, il a traduit de la façon suivante. Regardez. Tamthil, il a traduit par anthropomorphisme. Et ça, c'est le terme que vous retrouvez souvent dans les sites des Ahbash, par exemple, quand ils veulent réfuter les gens de la Sunna ou critiquer les gens de la Sunna. Ils les accusent d'anthropomorphisme. Et la traduction du terme tamthil par anthropomorphisme est une traduction qui est incorrecte, réellement. Pourquoi ? Parce que l'anthropomorphisme, c'est en réalité de faire ressembler quelque chose à l'être humain, à un être humain, en fait. Et si tu regardes, par exemple, juste pour le sens de l'argumentation, on va aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce qu'on a donné comme définition de anthropomorphisme. Donc, voici la définition. L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités, comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Hein? Donc, c'est-à-dire que l'anthropomorphisme, c'est de vouloir donner à quelque chose des caractéristiques humaines. Et le mot vient du grec, hein, c'est une dérive du grec. Le mot « anthropos », qui veut dire « être humain », et « morphé », qui veut dire « forme ». Donc, anthropomorphisme, c'est-à-dire donner la forme humaine à quelque chose ou caractéristique humaine à quelque chose. Et donc, le fait de montrer, par exemple, des animaux qui agissent comme des êtres humains, ça, c'est de l'anthropomorphisme. Hein? Ou bien de vouloir, décrire, par exemple, une idée ou des animaux ou des objets comme ayant une capacité de penser ou de réfléchir ou des choses comme ça. Des fois, ils vont dire que ça, c'est de l'anthropomorphisme. Ils disent des exemples incluant notamment les animaux, les plantes, ainsi que les forces de la nature comme le vent, la pluie ou le soleil sont décrites comme des phénomènes à motivation humaine ou comme possédant la capacité de comprendre et réfléchir. Ça aussi, ils considèrent comme étant une forme d'anthropomorphisme. C'est pour ça que je dis que le terme anthropomorphisme, c'est incorrect comme traduction du terme tamthil. Pourquoi ? Parce que c'est restrictif. C'est restrictif dans le sens que le terme tamthil, il est beaucoup plus large que l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est une forme de tamthil parmi d'autres. Ouais, tamthil, ce serait on va lire la définition de toute façon, comment les ulama l'ont défini, mais c'est juste pour dire que de traduire ça par le terme anthropomorphisme, c'est réductif. C'est comme si tu prenais une des significations du terme tamthil, puis tu le traduis par ça. Alors que tamthil peut être beaucoup plus que ça. D'accord? Et il dit, le cheikh, il l'explique lui-même, il dit, فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله كصفات المخلوقين. C'est ça en fait. C'est que la personne, quand, si elle fait le tamthil, elle dit dans, soit elle dit dans son cœur, c'est-à-dire elle croit dans son cœur, ou bien elle dit avec sa langue que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Peu importe la créature, que ce soit un être humain ou autre. Donc ce n'est pas nécessairement de l'anthropomorphisme. Ça peut être autre chose que de l'anthropomorphisme. Ça se peut que quelqu'un va faire ressembler Allah à une autre créature, pas seulement les êtres humains, ça peut être autre chose. Donc peu importe la ressemblance à laquelle tu fais ressembler Allah, ou tu compares les attributs d'Allah aux attributs d'une création quelconque ou d'une créature quelconque parmi les créatures d'Allah, eh bien on va dire que c'est du tamthil, même si ce n'est pas une ressemblance à l'être humain hein, que tu fais. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit, donc c'est pour ça, eux ils disent tamthil, puis on va voir les détails là-dessus, le cheikh il va l'expliquer après. Donc pour lire l'explication de ce terme-là, le cheikh il dit wa qawluhu lakinnana natabarra'u min mahdhurayn 'azimayn huma at-tamthil ka'an yaqula biqalbihi aw lisanihi صفات الله كصفات المخلوقين هذا هو التمثيل ونحن نتبرأ من التمثيل تصديقا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال واتباعا للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق فهذه ثلاثة أدلة في نفي التمثيل. D'accord. Donc, le cheikh, il explique, il dit, nous devons donc nous désavouer de deux choses qui sont graves et dangereuses par rapport à l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. La première de ces deux choses, c'est at-tamthil, et on a dit que c'est de dire, de croire ou de dire avec la langue, de croire dans son cœur ou de dire avec la langue que les attributs d'Allah sont comme les attributs de ses créatures. Ça c'est at-tamthil. Et nous désavouons de faire ce genre de choses-là, de comparer Allah à sa création, hein, ou de faire ressembler Allah à sa création. Et on dit ça dans quel, dans, on croit en ça par rapport au verset du Coran dans lequel Allah dit laysa kamithlihi shay. C'est-à-dire Allah il dit dans je pense que c'est sourate Shura. Il dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il y a rien qui lui ressemble, hein? Il y a rien qui est comme lui, et il est l'audient et le voyant, hein? Et il dit وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. Faites pas des analogies ou des comparaisons avec Allah. Et en suivant également la raison du fait que la raison nous empêche de faire des analogies entre le créateur et la créature, puisque le créateur il est parfait, la créature est imparfaite. Donc ça c'est trois choses qui sont comme des preuves pour établir qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre le créateur et la créature. Et le cheikh il dit ensuite وَلِهَذَا نَقُولُ التَّمْثِيلُ تَكْذِيبٌ لِلْخَبَرُ وَعِسْيَانٌ لِلْأَمَرُ وَمُجَانَبَةٌ لِلْعَقْلِ فتكون للخبر في قوله تعالى ليس كمثله شيء وعصيان للأمر في قوله فلا تضرب لله الأمثال ومجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا. On a lu ça la semaine passée. J'ai l'impression qu'on a lu ça, mais je pense que je suis revenu, j'ai écrit je l'ai écrit spécialement pour qu'on revienne dessus, pour que ce soit plus clair. Donc ici, le cheikh, il explique que donc, at-tamthil, c'est une contradiction à l'islam de trois points de vue. Premièrement, parce que c'est une négation de ce que Allah a affirmé dans le Coran, puisqu'il dit « Laysa kamithlihi shay », il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comparable à lui. Et donc, quand on dit qu'il n'y a rien qui soit comparable à lui ou comme lui, eh bien ça c'est, hein, si quelqu'un il fait le tamthil, il compare Allah à sa création, donc ça veut dire que dans ce cas-là, il contredit ce verset, donc il nie ce verset. Et c'est une contradiction du commandement d'Allah également, puisque Allah a interdit de faire des analogies et des comparaisons entre le Créateur et la créature, quand il dit « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ » Donc c'est une contradiction de l'ordre, et c'est également un écart de la raison, hein, on s'écarte de la raison lorsqu'on fait des comparaisons entre le Créateur et la créature, parce que c'est complètement illogique de vouloir comparer le Créateur et la créature, puisque c'est deux choses qui sont incomparables. Et dans la raison, donc c'est quelque chose d'inacceptable. Et le Cheikh dit: وَمَسْأَلَ وَرَدَ فِي اسْتِعْمَالِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلُهُمْ بِلَا تَمْثِيلِ وَوَرَدَ قَوْلُهُمْ بِلَا تَشْبِيهِ فَمَا الْأَقْرَبُ لِلصَّوَابِ. Donc il dit le Cheikh que dans les paroles des ulama, on retrouve l'expression بِلَا تَمْثِيلِ, c'est-à-dire on affirme les attributs d'Allah sans تَمْثِيلِ, sans faire de تَمْثِيلِ, c'est-à-dire sans comparer, sans faire de comparaison. Et il y a d'autres ulama qui utilisent l'expression bila tashbih. Hein? Et laquelle des deux est meilleure ou est plus proche de qu'est-ce qui est correct dans son utilisation? Est-ce que c'est mieux de dire bila tamthil ou bila tashbih? Lequel des deux est mieux? Et le Cheikh il va expliquer en fait lequel des deux est meilleur, mais il faut comprendre que temthil, ça vient de al-mithl, ça veut dire un pareil ou un semblable ou une comparaison, tandis que tashbih c'est la ressemblance, le fait de vouloir faire ressembler, hein. Et il y a une proximité entre les deux termes, d'accord, sauf que le Cheikh il dit al-awwal naqul al-aqrab was-sawab an naqul bila tamthil لا ولا بلا تشبيه لوجوه. الأول أن التمثيل هو لغة القرآن. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد. فاحرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآني أو النبوي. لأن أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأبين الكلام كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ولأنها تجمع المسائل والدلائل. وثالثا لأنه لا أحد يعترض عليك, فلو عبرت من عندك ربما تناقش في عباراتك. أما إذا كنت تعبر بما قاله الله ورسوله بلفظه فلا أحد يعترض عليك. Donc le Cheikh il dit, premièrement, on considère que le mieux, le plus proche de qu'est-ce qui est correct, c'est d'utiliser le terme bila tamthil et non bila tashbih. Donc on utilise le terme de qu'il n'y a pas de tamthil dans les attributs d'Allah, il n'y a pas de comparaison, plutôt qu'il n'y a pas de tashbih. Et la raison pourquoi, c'est parce que, premièrement, dans la langue du Coran, le langage du Coran, le terme qui est employé pour nier, c'est la négation du tamthil. Hein, c'est la négation du mithl. Quand Allah il dit dans le verset 11, dans surat Ash-Shura, « Laysa kamithlihi shay'un » Donc il n'a pas employé le terme de tashbih, il a utilisé le terme de tamthil. Et dans l'autre verset, le verset 74 en sourate An-Nahl, il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Donc encore une fois, le mithl est employé et non pas shabah. Donc le mieux c'est de préserver le terme coranique ou bien le terme prophétique s'il est dans la sunna, et de s'attacher à cette expression coranique ou prophétique, et ne pas amener une expression ou un terme nouveau. Et donc le Cheikh il dit, alors faites l'effort de toujours utiliser dans vos expressions, lorsque vous parlez de religion, de vous exprimer selon les termes qui ont été employés dans le Coran et dans la Sunna. Et il mentionne trois raisons pour ça. Premièrement, parce que la meilleure parole et la plus éloquente des expressions et des paroles, et la plus claire des paroles, c'est la parole d'Allah et de son messager, en partant. Deuxièmement, parce que lorsque tu vas employer les termes du Coran et de la Sunna, eh bien tu vas réunir entre les sujets et leurs preuves. Il y aura un lien direct entre le sujet et la preuve. Donc il n'y a pas de place pour l'ambiguïté dans ce cas-là. Et troisièmement, parce que si tu emploies le terme qui est employé dans le Coran et dans la Sunna, personne ne peut s'objecter à ton expression et à ce que tu dis, puisque c'est le terme coranique lui-même et le terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu utilises des expressions de ton propre langage ou de tes propres expressions, peut-être que là les gens vont vouloir débattre avec toi sur l'utilisation des termes que tu as pris et de l'emploi que tu en fais. Hein? Tandis que si tu emploies ce que Allah et son messager ont employé, personne ne peut s'objecter à ton utilisation de ces termes ou bien à le fait que tu as utilisé ce terme-là. Le Cheikh il dit ensuite, comme deuxième raison, la deuxième raison pourquoi at-tamthil est mieux que at-tashbih, d'utiliser la négation du tamthil plutôt que la négation du tashbih. Pourquoi c'est mieux la négation du tamthil que le tashbih? C'est anna man qala bila tashbih in arada mutlaq at-tashbih fa khata wa in arada at-tashbih al-mutlaq min kulli wajh fa huwa laghwun. يعني إن أراد مطلق التشبيه أن الله لا يشابه الخلق في أي وجه فهذا غلط، لأنه لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثلا العلم، فالخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك في أصل المعنى، فهذا نوع تشابه. وكذلك القدرة والسمع والبصر فهنا اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة، فلا يصح أن نقول بلا تشبيه على وجه الإطلاق. وإن أراد التشبيه المطلق فقال من غير مشابهة من غير أن يشابهه مطلقا فهذا لغو، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، وما أحد قالها أبدا، حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة لا يقولون إنها متساوية، لأن الناس ثلاثة أقسام، قسم قال بتوحد الآلهة، وقسم قال بتعددها، وقسم نفاها مطلقا. Donc on va traduire jusqu'ici. On va traduire qu'est-ce qu'on a dit jusqu'ici. La deuxième raison pourquoi le Cheikh il explique pourquoi c'est mieux de dire bila tamthil et non pas bila tashbih. Et ici, c'est un petit peu subtil, il faut vraiment être attentif pour comprendre comme il faut. Pourquoi c'est mieux de dire bila tamthil plutôt que de dire bila tashbih? C'est parce que, soit qu'on veut dire mutlaq al-tashbih ou bien al-tashbih al-mutlaq. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Al-mutlaq al-tashbih ou al-tashbih al-mutlaq. C'est quoi la différence entre les deux? C'est soit qu'on veut dire la négation de toute ressemblance ou qu'on veut nier la ressemblance totale. Soit qu'on veut nier toute ressemblance de façon absolue, ça c'est mutlaq al-tashbih, ou bien soit qu'on veut dire par là nier toute ressemblance, c'est-à-dire dire que sur tous les plans, c'est-à-dire il y a aucune ressemblance sur tous les plans. Peut-être que ça c'est un petit peu ambigu de cette façon-là, mais on va expliquer pourquoi le Cheikh il mentionne que ça c'est des erreurs. Et le Cheikh il a donné l'exemple justement. Il dit, si la personne veut dire mutlaqut tashbih, c'est-à-dire la ressemblance de façon absolue, hein, la ressemblance de façon absolue, dans le sens que quelqu'un dit, il y a aucune ressemblance entre la créature et le créateur. Il dit, si tu le dis de cette façon absolue, ça implique une erreur. Dans quel sens? C'est parce que ça nierait même le lien qu'il y a dans la base de la signification de l'attribut. Comme par exemple, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a al-ilm. Un de ses attributs, c'est al-ilm, la connaissance. Et on sait que les créatures, ils ont une forme de ilm aussi. Les créatures aussi, les êtres humains, ils savent des choses. Hein? On a du ilm aussi. Et donc, ça, c'est qu'est-ce que le cheikh appelle al-ishtirak fi asl al-ma'na. C'est-à-dire, il y a une signification commune à la base de cet attribut-là. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une connaissance, il a la science, et l'être humain a la science. Donc, à la base de la signification, il y a une ressemblance. Mais, lorsqu'on parle de la science d'Allah et de la science d'une créature, des créatures, il y a une différence complète, dans le sens que la science d'Allah, elle n'est pas précédée par l'ignorance, tandis que la connaissance des créatures, elle est précédée d'ignorance. Donc ça, c'est une grande différence. Et aussi, la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est complète et parfaite, tandis que la connaissance des créatures, elle est limitée et incomplète. Donc on ne peut pas comparer, hein, ces deux choses-là. Mais à la base, c'est quand même le fait qu'il y a un lien dans la signification de l'attribut elle-même, qui est à la base la signification du savoir, de la connaissance. Hein? Et donc, si on niait toute ressemblance complète, ça voudrait dire qu'on niait même la ressemblance, même dans la base de la signification de l'attribut. Et ça, c'est impossible. Hein? C'est incorrect. Et il dit, le cheikh, et la même chose aussi pour qu'est-ce qui a rapport avec Al-Qudra, Al-Sam' ou Al-Basar. Al-Qudra, c'est quoi? C'est la puissance. Et Al-Sam' c'est quoi? C'est l'ouïe. Et Al-Basar, c'est quoi? C'est la vue. Hein? Donc, ces attributs-là ont une signification. Et il faut affirmer, hein, la signification de ces attributs-là à Allah. Et Allah, il a Al-Qudra, et l'être humain, il a une Qudra. Et les créatures, ils ont une Qudra. De même que l'être humain, il a Al-Sam' et Allah subhanahu wa ta'ala, il a Al-Sam'. Et de même que Allah subhanahu wa ta'ala, il a Al-Basar. Et l'être humain et les animaux, ils ont Al-Basar. Ça, c'est à la base de la signification. Il y a un lien. Il y a un lien commun, une signification commune. Sauf que lorsqu'on explique la réalité de ces attributs-là, lorsqu'on parle de la réalité de la vue, de la puissance et de l'ouïe d'Allah, il n'y a pas de comparaison avec la réalité de l'ouïe et de la vue et de la puissance des créatures. D'accord? Mais si on niait toute ressemblance, même dans l'absolu et dans le sens de la signification, alors ça impliquerait même qu'on devrait nier, hein, la base de cette signification-là. Et ça, c'est impossible et c'est incorrect. On n'a pas le droit de nier cela. Donc, le cheikh dit « Fala yasih » On ne peut pas dire qu'il n'y a pas aucune ressemblance de façon absolue. Il dit, toutefois, si on veut dire par tashbih al-mutlaq, hein, si on veut dire par tashbih al-mutlaq, ça veut dire min ghayri an yushabihahu mutlaqan, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait aucune ressemblance, hein, dans le sens que quelqu'un croirait, hein, parce que le cheikh il dit ça, c'est inutile de dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui lui ressemble d'aucune façon dans quoi que ce soit. Eh bien, de dire ça, c'est inutile de dire ça. Pourquoi? Parce que il dit, il n'y a personne parmi les hommes, même parmi les mushrikines, qui ont pensé ou qui ont eu l'idée que le créateur et la créature seraient comparables et semblables dans tout, hein, et de tous les points de vue, et sur toutes les choses de façon égale, absolue. Comme c'est une égalité absolue entre le Créateur et la créature. Il n'y a personne qui a dit ça. Le Cheikh dit, ma ahadun qalaha abadan. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة. Même ceux qui disent qu'il y a plusieurs divinités, ils disent pas qu'elles sont égales et qu'elles se ressemblent en tout. Hein? Ils vont dire que certaines divinités ont certaines caractéristiques et que d'autres ont d'autres caractéristiques. Donc il y a personne qui vont dire que il y aurait une ressemblance parfaite et égale entre Allah et ses créations dans toutes choses. Et donc, c'est inutile de dire ça même, de nier cette ressemblance-là, cette ressemblance totale dans tout, puisqu'il n'y a personne qui l'a dit en partant. Donc, s'il y a personne qui l'a dit, pourquoi tu vas le nier dans ce cas-là? Hein? C'est comme, comment je pourrais donner comme un exemple, c'est comme si tu voudrais chercher à nier quelque chose qui est une erreur, mais que personne n'a jamais faite. Hein? Oui, c'est comme si tu chercherais à nier quelque chose que personne n'a jamais affirmé. Pourquoi tu veux nier quelque chose que personne n'a jamais affirmé? Ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est une perte de temps. Donc s'il y avait un groupe ou une secte ou une fraction parmi les gens qui ont dévié, qui affirment qu'il y a quelque chose ou il y a des choses qui ressemblent à Allah en tout, et qui est égal à Allah, hein, qui a des divinités qui sont égales à Allah dans toutes choses, ou bien qui lui ressemblent en toutes choses, alors là, ce serait utile de le nier pour montrer, hein, la fausseté de cette parole-là, mais il n'y a personne qui dit ça. Et le Cheikh dit, les hommes se divisent par rapport à ça en trois catégories. Ceux qui croient en l'unicité, hein, de toutes les divinités, c'est-à-dire qu'ils croient que, hein, Dieu est unique. Et il y en a qui croient qu'il y a multiplicité de divinités, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs divinités. Et d'autres qui la nient de façon totale, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en aucune divinité, comme les athées par exemple. Il dit « وَمِمَّنْ نَفَاهَ مُطْلَقًا فِرْعَوْنُ قَالَ تَعَلَىٰ عَنْهُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي وَهُوَ كَاذِبٌ فِي مَا قَالَ لِأَنَّ مُوسَى قَالَ لِفِرْعَوْنُ وَهُوَ يُحَاجُهُ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فماذا قال فرعون هل قال ما علمت أو سكت الجواب سكت إقرارا والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Hier, c'est drôle parce qu'on lisait ça hier, hein, dans le cours d'hier. Le Cheikh dit, parmi la catégorie de ceux qui ont nié les divinités de façon absolue, il y a Pharaon. Il a nié l'existence d'Allah et de toute autre divinité. Et il dit, hein, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, le verset 38 dans Surat Al-Qasas, hein, il dit assez notable, Ya ayyuhal mala, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Subhanallah. Il dit à ses notables, ô vous les notables, je ne connais pour vous aucune autre divinité que moi. Je ne connais pour vous aucune autre divinité que moi. Donc pour eux, il s'établit comme étant, hein, leur divinité, leur Dieu. Allah Musta'an. Il dit, et alors qu'il est menteur en disant ça, hein, parce qu'il sait très bien que Allah c'est lui le Seigneur, et c'est lui le seul, hein, la seule divinité vraie. Et il dit, et même que Moussa alayhi salam, il lui dit dans le verset 102 dans Surat al-Isra, ce qui signifie, tu sais très bien que nul n'a envoyé ces miracles-là, ces signes-là, excepté le Seigneur des cieux et de la terre. Et tu le sais clairement. Hein? Donc, lorsqu'il a dit ça à Pharaon, est-ce que Pharaon a dit, non, je le sais pas. Ou bien il s'est tu. Hein? Et le Cheikh dit la réponse, c'est qu'il s'est tu, il n'a pas nié qu'il ne savait pas. Hein? Il n'a pas dit je ne savais pas. Il a affirmé par son silence qu'il le savait au fond de lui-même, que c'est Allah qui fait ça. Et il mentionne l'autre verset, le verset 14 dans Sourate An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. C'est-à-dire, ils ont renié ces signes, alors qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec conviction, mais ils les ont reniés par injustice et par fierté, orgueil. Hein? Il dit وَلَكِنْ هُنَاكَ مَنْ يَقْرَأ بِأَنَّ هُنَاكَ خَالِقَيْنِ. Hein? ولكن هناك من يقر بأن هناك خالقين وهم المجوس الثانوية قالوا إن للعالم خالقين نور وظلمة فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة ومع ذلك لم يقولوا بتساويهما بل قالوا إن النور خير النور خير من الظلمة لأن النور وجود إضاءة والظلمة عدم والوجود خير من العدم وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر وقالوا أيضا النور قديم ولهم في الظلمة قولان هل هي حادثة أو غير حادثة ويقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين. Donc le cheikh il dit, donc il y a des gens qui ont affirmé l'existence de deux créateurs et c'est les majus. Les majus, c'est, attendez, je vais vous sortir, c'est les, vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler des zoroastriens, ceux qui adorent le feu. Bon, hein, les Perses, hein, les Zoroastriens, on les appelle aussi les Manichéens, je pense. Non, les Manichéens. Les Manichéens, hein, le manichéisme est dans son acception contemporaine au sens figuré littéraire, une attitude consistant à simplifier les rapports du monde à une simple opposition du bien et du mal. Manichéen. Bon, c'est peut-être pas les manichéens, mais disons que eux ils font partie de ceux qui voient comme ça qu'il y a le dieu du bien et il y a le dieu du mal. Mais c'est plutôt les zoroastriens. Les zoroastriens. Et eux, ils ont cette idée-là, qu'il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Le dieu du bien, oui, c'est pas le, tantôt je disais, le manichéen, les manichéens, c'est pas les manichéens, c'est les masdéismes. Le masdéisme, c'est les majus, ce qu'on appelle masdéisme. Parce que eux, ils croient en un dieu qui s'appelle Ahura Mazda. Et c'est lui qu'ils disent que c'est le dieu de la lumière. Et il y a le dieu de la noirceur ou des ténèbres, ok. Et ils prennent comme symbole le feu. Et ils croient que c'est-à-dire celui qu'ils appellent leur prophète, c'était celui qu'ils appelaient Zarathustra. Zarathustra. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Zoroastriens, à cause de celui qu'ils appellent le prophète de ce soi-disant de cette voie-là, c'est Zarathustra. Et c'est ça. La réforme religieuse Zarathustra a pour principe, principal effet d'orienter la religion mazdéenne. D'accord ? Et non, donc c'est ça. Et il prêchait un dualisme apparent qui opposait entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Donc là, je prends ça de Wikipédia, d'accord. Donc ceux qui veulent savoir plus de détails là-dessus, là, ils peuvent retourner à cet exemple-là. Donc, en arabe, on les appelle les majus. Les majus. Donc celui qu'il considère comme le dieu de la lumière ou je sais pas quoi là, celui-là il l'appelle Ahura Mazda. avec la voiture, la marque Mazda, je sais pas, peut-être, en tout cas. Mais ils ont un autre nom pour l'autre, celui qui est le dieu de la noirceur, mais j'ai oublié, je l'ai pas trouvé là. En tout cas, de toute façon, c'est pas important. Le cheikh, il mentionne ça pourquoi ? Il mentionne ça dans le but de faire comprendre que même ceux qui croient qu'il y a plusieurs dieux là, comme les Majus par exemple, eh ben même eux, ils disent pas que les deux sont égaux. Hein ? Ils disent qu'il y a le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres. Hein, la lumière et les ténèbres. Et ils disent que la lumière est meilleure que les ténèbres. Et que c'est la lumière qui gagne à la fin. Donc, même, ça, même eux, ils ne disent pas que leurs deux divinités ou leurs deux créateurs sont égaux. Ils disent que la lumière crée le bien, puis les ténèbres créent le mal. Hein, et la lumière est meilleure que les ténèbres. Et le cheikh, il dit... il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit qu'il n'y a pas personne qui affirme l'existence de deux créateurs égaux dans la création. Parmi les différentes religions, même les religions des mouchriquins, même parmi eux, il n'y en a pas une qui croit en l'affirmation de deux créateurs équivalents ou égaux. D'accord ? Il dit « Wa ala » وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وأردت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول لأنه لم يقل به أحد. Donc il dit, selon cette parole, si quelqu'un dit sans tashbih, hein, il utilise l'expression tashbih au lieu de tamthil, eh bien il dit ça déjà en partant. Il n'y a personne qui dit tashbih, le tashbih de façon absolue et totale dans tout, entre le créateur et la créature. Il n'y a personne qui croit qu'il y a une ressemblance absolue entre les deux, ou même qu'il y aurait deux divinités qui seraient égales. Personne qui dit ça. Donc de vouloir l'affirmer, hein, en utilisant de vouloir nier cette ressemblance-là absolue ou totale, complète, entre deux choses, entre Allah et une autre chose, de vouloir nier ça, ce serait inutile, parce qu'il n'y a personne qui l'affirme en partant. Troisième point que le cheikh il a mentionné, pourquoi c'est mieux de dire tamthil plutôt que c'est mieux de dire qu'il n'y a pas de tamthil plutôt que de dire qu'il n'y a pas de tashbih, c'est parce que il dit la raison suivante, la troisième, إِذَا قُلْتَ بِلَا تَشْبِيهٍ فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات تشبيه وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه فصار المعنى بلا إثبات صفات ولكن إذا قلت بلا تمثيل صار ليس هناك احتمال ولهذا صار التعبير بنفي التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. Donc le cheikh il dit la troisième raison pourquoi c'est mieux de dire bila tamthil plutôt que de dire bila tashbih, c'est parce que parmi les gens de bid'a, il y en a qui considèrent que d'affirmer les attributs d'Allah, les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, ils considèrent que ça c'est du tashbih. Donc selon cette signification là que eux ils ont prétendu, le fait de dire, hein, si tu dis bila tashbih, ça voudrait dire sans affirmer d'attributs. Ça voudrait dire sans affirmer d'attributs du tout. Hein? Pourquoi par exemple les Ahbash, les Asha'ira, ils disent des gens de la Sunna, ils disent des Salafis qu'ils sont des Mushabbiha. Pourquoi ils disent qu'on est des Mushabbiha? Parce qu'on affirme les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Donc pour eux, on est des Mushabbiha. Et le fait, hein, de dire bila tashbih pour eux, ça implique de dire que il ne faut pas affirmer les attributs que Allah s'est attribué à lui-même ou que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah. Donc quand ils disent bila tashbih, ça veut dire sans attribut. Hein? Et donc pour éviter ça, on utilise le terme bila tamthil. Hein? Ça c'est plus précis, c'est plus exact. Et donc on voit que l'utilisation de la négation du tamthil est mieux que la négation du tashbih. الشيخ الزي وقوله التكييف hein? Bon, on va expliquer التكييف ensuite. Maintenant, on est rendu là. Donc, la deuxième chose qui est niée, qu'on doit nier, hein, par rapport aux attributs et au nom d'Allah, c'est التكييف. Et le cheikh, il dit, والتكييف أن يقول بقلبه أو بلسانه كيفية صفات الله تعالى كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. Donc, c'est quoi التكييف? C'est que tu crois dans ton cœur ou tu dises par ta langue que les attributs d'Allah sont de telle ou telle façon. D'accord? Donc c'est quoi le cheikh, il va parler tout à l'heure de la différence entre le takyif et le tamthil, mais moi je veux l'expliquer tout de suite, comme ça c'est déjà clarifié. C'est que le tamthil, c'est quand tu dis, par exemple, celui qui dirait par exemple la main d'Allah elle est comme la main des créatures, hein, ou que celui qui dirait la main d'Allah elle est comme la main des hommes, ça c'est du tamthil, parce que il compare la main d'Allah avec la main des créatures, ça c'est du tamthil et c'est du kufr et du shirk. Celui qui croit en ça, il n'est pas musulman, il a quitté l'islam, parce que tamthil c'est kufr. Hein? Et celui qui ferait takyif, ça veut dire quoi? Celui qui décrit, hein, la main d'Allah, et qui dit la main d'Allah elle est de telle manière, et de telle manière, et de telle manière. Hein? Alors là c'est du takyif, il décrit, ça veut dire il demande le comment, ou il parle du comment de l'attribut d'Allah, et ça aussi c'est haram, hein, c'est du kufr. Donc ça c'est dangereux aussi, et ces deux choses là il faut faire attention à ce sujet, parce que c'est très grave. Et là on va expliquer maintenant, on va mentionner l'exemple, comment ils ont traduit ça dans la traduction de Dar Salam. Et ici ils ont dit le deuxième point qu'il faut faire attention par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, c'est que nous nous désavouons, hein, de deux tendances. La première, on a dit at-tamthil, la deuxième at-takyif. Et ils ont traduit ça en disant chercher à connaître le comment. Et ils donnent la définition que le cheikh a mentionné, il a traduit de la façon suivante. Il dit, il s'agit de croire dans son cœur ou de dire avec sa bouche que les attributs d'Allah sont comme ceci ou comme cela. Donc cette traduction-là, elle est correcte. Alhamdulillah, on voit que c'est, hein, c'est plus fidèle à ce que le cheikh a dit que le point précédent. Parce que le point précédent, ils l'ont traduit par l'anthropomorphisme, et on a expliqué que l'anthropomorphisme, c'est restrictif et réducteur, parce que l'anthropomorphisme est une forme de tamthil, c'est pas le tamthil lui-même. Et le tamthil peut avoir beaucoup d'autres formes, pas seulement l'anthropomorphisme. Ok, maintenant l'explication de cette phrase, de la définition que Cheikh Ibn Uthaymin il a donné. Il dit wa qawluhu wa takyifu an yaqula bi qalbihi aw bi lisanihi sifatullah تعالى كذا وكذا فنتبرأ من التكييف وهو أن يقول الإنسان بقلبه أو بلسانه إن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. Bon, il répète encore. Il dit والدليل على تحريمه قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن كيف أي صفة فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي الجهمي نسبة إلى الجهمية الذين لا يؤمنون بالصفات ولا بالأسماء الذين نفوا الصفات والأسماء ونسبة إلى رجل اسمه الجهم بن صفوان وهو من الذين دعوا إلى نفي الصفات ونفي الأسماء وهو ملحد كافر زنديق Donc, il dit وَإِذَا قَالَ لَكَ الْجَهْمِيُّ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَكَيْفَ يَنْزِلُ فَقُلْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ وَلَمْ يُخْبِرْنَا وَلَمْ يُخْبِرْنَا كَيْفَ يَنْزِلُ وَهَذَا جَوَابٌ سَدِيدٌ. Le cheikh il dit que en ce qui concerne la preuve qu'on n'a pas à dire comment ou demander le comment à propos des attributs d'Allah, hein, et de dire que par exemple les attributs d'Allah sont de telle ou de telle façon, commencer à vouloir décrire, eh bien nous on se désavoue de ça, ce qu'on appelle le takif, on se désavoue de demander le comment ou de chercher le comment et de décrire les attributs d'Allah. Et il dit la preuve que c'est interdit, c'est le verset 33 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, mon Seigneur a uniquement interdit la turpitude, ce qui en est apparent et ce qui en est caché, ainsi que le péché et la transgression injuste, ou bien d'associer avec Allah ce dont vous n'avez reçu aucune preuve, hein, et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Et le cheikh il dit donc, celui qui dit ou qui décrit ou qui rentre dans le commun des attributs d'Allah ou qui veut décrire une attribut parmi les attributs d'Allah en commençant à expliquer le commun de cet attribut-là, il parle à propos d'Allah en disant ce qu'il n'a pas de science. Hein, ce à propos de quoi il n'a pas de science. Il parle sans connaissance. Il dit parce que Allah, il nous a expliqué ou il nous a informé qu'il a une attribut quelconque, mais il ne nous a pas informé du comment de cet attribut-là. Hein? Et donc, c'est pour ça que certains ulama, ils ont dit, lorsque le Jahmi, ça veut dire quelqu'un qui fait partie de la secte des Jahmiya, qui fait référence à un homme parmi les gens de l'égarement, un homme parmi les gens de l'égarement qui s'appelait Jahm ibn Safwan. C'est lui le fondateur, ou bien plutôt celui qui a propagé cette secte. À la base, Jahm ibn Safwan, il a pris cette idéologie-là de son professeur qui s'appelait Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham, c'est lui le vrai fondateur de cette idée. Et eux, ils croient pas que Allah a des noms ou des attributs. Ils disent, on peut pas affirmer à Allah aucun nom et aucun attribut. Parce que, hein, à quelle période, Ja'ad ibn Dirham, je crois, si je me souviens bien, quand il est apparu, c'était vers l'an 126 à peu près. Oui, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a été exécuté par l'amir de son époque, la région de Mecca, je pense. Il l'a exécuté le jour de Eid. Il s'appelait Khalid al-Qasri, l'amir de la région. Et quand il a entendu que Ja'ad ibn Dirham niait les noms et les attributs d'Allah, il l'a pris et le jour de Eid, il l'a égorgé, il l'a exécuté pour hérésie. Hein? Et il a dit aux musulmans, après avoir fait la khutbah de Eid, il a dit, « Oh, vous les musulmans, allez faire votre sacrifice. » Il dit, « Moi, je vais aller égorger Ja'ad ibn Dirham parce que il a dit que Allah n'a pas parlé à Moussa et qu'il n'a pas pris Khalil comme Khalil Ibrahim, hein, et il niait les attributs d'Allah, donc il est descendu puis il lui a coupé la tête. Donc c'est pour dire que yani, c'est la peine de mort pour ce genre de mécréance, parce que à la base yani, cette idée là amène à nier même l'existence d'Allah, parce que si tu nies ses noms et ses attributs, c'est comme si tu niais son existence, d'accord. Et c'est pour ça que il dit, si le Jahmi il te dit, bon, on les appelle des Jahmiya au lieu des Ja'diya. Pourquoi? Parce que Ja'ad ibn Dirham il a été, disons, l'instigateur de cette idéologie, de cette croyance. Mais celui qui l'a vraiment propagé après lui, c'était Jahm ibn Safwan. C'est pour ça qu'on les appelle Jahmiya. Donc le nom de Ja'd ibn Dirham, il a été un petit peu oublié, parce que celui qui a vraiment propagé cette idéologie-là, c'est plus Jahm ibn Safwan. Et donc, si le Jahmi, hein, il te dit, Allah ne descend pas au dernier des cieux, hein, pendant le dernier tiers de la nuit, comme c'est mentionné dans le hadith, donc s'il te dit que Allah ne descend pas au dernier cieux, hein, il dit, ah oui, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, si le Jahmi te dit, lorsque toi tu lui dis que Allah descend au dernier tiers de la nuit, lui il te demande comment il descend, alors dis-lui dans ce cas-là, Allah nous a informé qu'il descendait, mais il ne nous a pas informé comment il descendait. Donc nous on se limite à ce que Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. S'il nous avait dit le comment, on aurait dit. Mais il ne nous a pas dit le comment. Donc on se limite à dire ce qu'il a dit, il a affirmé qu'il descendait, il nous a pas dit comment il descendait, donc on n'a pas à rentrer dans cette question-là. Et c'est comme l'exemple de la parole de l'imam Malik, qu'on avait mentionné au dernier cours. L'imam Malik, lorsqu'on lui a demandé à propos de Al-Istiwa, ala l'arche, Ar-Rahmanu ala l'arche istawa, kayfa istawa, l'homme est venu voir l'imam Malik, il a dit comment Allah s'élève au-dessus du trône. Et lui, l'imam Malik, il a été tellement choqué, fâché par ça. Il dit, les gens, ils ont vu son visage devenir rouge. Hein? Il s'est vraiment mis en colère. Et là, il a dit, Al-Istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul. Et dans certaines nations, il dit, wal-kayfu ghayru ma'koul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'a. C'est ça, c'est la réponse de l'imam Malik. L'istiwa, il est connu. Le comment, c'est-à-dire l'istiwa, il est connu dans sa signification. C'est un mot connu en arabe. Wal kayfu majhoul, ou ghair ma'qoul. C'est-à-dire, tu peux pas comprendre ça rationnellement. Ça dépasse l'entendement. C'est quelque chose que tu peux pas comprendre et on l'ignore. On sait pas comment Allah s'élève au-dessus de son trône. Mais il est obligatoire d'y croire et le fait de poser des questions sur le commun, ça c'est une innovation, c'est une bid'ah, hein? Et il a ordonné qu'on l'expulse, hein? Qu'on le fasse sortir de la mosquée. Donc c'est pour dire que cette personne c'est un innovateur. Et la même chose on peut la dire à propos des autres attributs d'Allah, la descente, hein, al-nuzul, et les autres attributs. On peut répéter la même chose que l'imam Malik à propos de toutes les autres attributs, hein? Et il dit le cheikh donc que on n'a pas à demander à propos du comment. À propos de Jahm ibn Safwan, justement, je voulais juste vous montrer. Donc, ça, c'est la première preuve que le cheikh il a mentionné, c'est le verset. Voilà, hein, wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Celui qui veut rentrer dans le commun, il parle sans science. Il dit des choses à propos d'Allah au sujet desquelles il n'a aucune connaissance. Et le cheikh dit وهناك دليل آخر على تحريم التكييف وهو قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. أي لا تتبع شيئا لا تعلمه والمكيف اتبع ما لا يعلم قطعا وإلا فمن أين يدري أن كيفية صفات الله كذا وكذا وأن كيفية استوائه كذا وكذا وأن كيفية نزوله إلى السماء كذا وكذا وكيفية وجهه كذا وكذا فصار التكييف ممتنعا أيضا بدليلين الأول قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والثاني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. Donc le cheikh dit l'autre dalil qu'on peut mentionner pour montrer la preuve qu'on ne peut pas demander le comment, hein, et que c'est interdit de demander le comment à propos des attributs d'Allah, c'est le verset 36 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Hein, ne parle pas de ce dont tu n'as pas de science, hein, ne suis pas ce dont tu n'as pas de science. Et la personne qui parle du comment à propos des attributs d'Allah et qui dit les attributs d'Allah elles sont comme ci et comme ça, eh bien celui-là, comment il a su, hein, comment il a su le comment, de quelle manière a-t-il su le commun des attributs d'Allah et que les attributs d'Allah sont de telle ou de telle manière, ou de telle façon. Hein? Comment sait-il que Allah s'est élevé sur son trône de telle ou de telle manière, ou qu'il descend au dernier des cieux de telle ou de telle manière, hein? Ou que son visage est de telle ou de telle manière? Comment peuvent-ils savoir cela alors que Allah leur a pas informé, Allah leur a pas dit? Donc ça veut dire que la personne qui fait le takif, elle contredit deux preuves dans le Coran. Le premier, c'est le verset qu'on a dit, le verset 33 dans Surat Al-A'raf, « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » hein, de dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez pas de science. Et le deuxième verset, c'est le Surat Al-A'raf, le verset 36, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » hein, « Ne suis pas ce dont tu n'as pas de science. » Et les salafs, ils ont dit, par rapport à l'explication de ce verset-là, dans Surat Al-A'raf, c'est plus général en fait. C'est pas seulement limité à l'interdiction de parler à propos du takif, du commun. Ça peut s'appliquer aussi à toute autre chose dans la religion, de parler sans science. Donc, c'est-à-dire, c'est la personne qui parle, elle dit « j'ai vu alors qu'elle n'a pas vu ». Elle dit « j'ai entendu alors qu'elle n'a pas entendu ». Hein? Et ainsi de suite. Donc, tu n'as pas à parler sans science et à dire ce dont tu n'as pas de connaissance. Et le cheikh dit ensuite « فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّكِيفِ وَالتَّمْثِيلِ قُلْنَا التَّمْثِيلُ أَنْ يَذْكُرَ كَيْفِيَةَ الصِّفَةِ مُقَيَّدَةً بِمُمَاثِلِ فَيَقُولُ يَدُ اللَّهِ مِثْلُ يَدِ الْإِنسَانِ فَمَنْ مَثَّلَ فَقَدْ كَيَّفَهُ أما التكييف فهو أن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل بل يكيف بكيفية يكيف كيفية تصورها في عقله ثم يقول كيفيتها كذا وكذا وعلى هذا فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا فالمكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير وأما الممثل فإنه يذكر كيفية لها نظير. Donc le cheikh explique c'est quoi la différence entre le takif et le tamthil, hein? Le fait de demander le commun et le fait de faire le tamthil, c'est-à-dire de comparer. Et le cheikh il dit il y a en fait les deux. Hein, le cheikh dit, par exemple, le tamthil, c'est quoi? C'est de décrire une description quelconque par rapport à une attribut en la comparant à quelque chose en particulier. Comme tu dis, par exemple, la main d'Allah est comme la main des hommes. Celui qui dit ça, il a fait le tamthil. Okay? Tandis que at-takif, c'est, hein, il dit, c'est que tu mentionnes une description sans la restreindre ou la limiter à une ressemblance quelconque ou à une comparaison quelconque parmi les choses qui existent. C'est comme par exemple, le cheikh il explique, il dit tu vas inventer une description quelconque dans ton esprit, hein, dans ton imagination, puis tu vas faire une ressemblance ou comparer et décrire cette chose-là de cette façon-là. Donc, en décrivant cette chose-là d'une façon quelconque, eh bien là, t'as fait le takif, sans nécessairement la relier à une comparaison de quelque chose qui est présent ou qui existe réellement. Yani, donc, on va dire dans ce cas-là, tu dis l'attribut, elle est de telle ou de telle façon. Il dit donc, on peut dire que toute personne qui fait le tamthil, il a fait le takif. Mais on ne peut pas dire le contraire. Donc tout mumathil est mukayif, mais ce n'est pas tout mukayif qui est mumathil. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas toute personne qui fait... Donc il dit toute personne qui fait une comparaison, il fait le takif. D'une façon parce qu'il décrit l'attribut en la faisant ressembler à quelque chose. Donc toute personne qui fait le tamthil, il fait automatiquement le takif en même temps. Mais... c'est possible que quelqu'un fasse le takif sans faire le tamthil. C'est-à-dire, c'est possible que la personne elles décrivent l'attribut sans nécessairement la comparer à quelque chose. D'accord ? Peut-être c'est un petit peu subtil là, un petit peu ambigu là, mais vous réfléchirez plus là-dessus, puis vous allez voir, ça va se clarifier. Donc le mukayyif, il dit « Al-mukayyif qad yazkuru kayfiyatan laysa laha nadhir ». Donc la personne qui fait le takyif, c'est possible qu'elle mentionne une description qui n'a rien de comparable. Tandis que le mumathil, celui qui fait une comparaison, eh bien, il mentionne une description qui a quelque chose qui est comparable avec, quelque chose qui lui ressemble, d'accord, quelque chose qui est semblable. Hein? Comme par exemple celui qui dit « la main d'Allah est comme la main des hommes ». Ça c'est takyif. Ça c'est tamthil et c'est takyif en même temps parce qu'il décrit la main d'Allah en la comparant. Mais celui qui dirait par exemple la main d'Allah elle est de telle façon et de telle façon et elle a telle grandeur, telle forme, telle grosseur, telle couleur ou des choses comme ça, eh bien là ça voudrait dire que là il fait le takyif mais sans nécessairement comparer à quelque chose. D'accord ? Et dans les deux cas, c'est haram de faire ça. Parce que tu parles sans science lorsque tu rentres dans ce détail-là. Ok. Il dit « Wa ayyuhuma a'zam at-tamthil am at-takyif ?» نقول التمثيل أعظم لأنه تكذيب للخبر وعصيان للأمر. Donc il dit lequel des deux est plus grave? Est-ce que c'est Tamthil ou At-Takyif? Et le Cheikh, il dit, At-Tamthil, c'est plus grave parce que c'est une négation de ce que Allah a mentionné dans le Coran et une désobéissance à l'ordre, comme on l'a expliqué au début. On va terminer donc avec ça, mais il y a juste un point que je veux mentionner avant qu'on termine le cours. C'est que lorsque les gens de parmi les Asha'ira, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Jahmiyya, les Mu'tazila, qui sont les groupes, parmi les groupes qui nient les attributs d'Allah, lorsqu'ils parlent de ceux qui affirment les attributs parmi les gens de la Sunna, quand nous on affirme les attributs, comme c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et comme les salafs les ont affirmés, ils disent que on est des mushabbiha. Ils disent vous les gens de la sunna, les salafiyoun, vous êtes des mushabbiha. Ou des fois ils vont dire vous les wahhabiyya, vous êtes des mushabbiha. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils disent parce que vous affirmez que Allah a une main, que Allah a des mains, que Allah a des yeux, que Allah a la vue, l'ouïe, que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de son trône. Et des choses de ce genre, qu'il descend au dernier des cieux, et toutes les attributs que Allah s'est affirmé, eux ils considèrent que ça c'est du tashbih si tu les affirmes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que en affirmant ces choses-là à Allah, tu fais ressembler Allah à sa création. Donc ça c'est pour eux c'est du tashbih, et ils appellent ça parfois de l'anthropomorphisme. Alors comme je disais au dernier cours, j'avais dit que ces gens-là ils savent ni qu'est-ce que c'est le tashbih. Et ils ne savent pas non plus, yani déjà la signification du tashbih, la réelle signification, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et puis en même temps aussi, yani, en tout cas, le point que je voulais faire, parce qu'il y a un autre point que j'avais mentionné la semaine passée, là je ne m'en rappelle plus. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de comprendre que si tu leur demandes qu'est-ce que c'est le tashbih, donne-moi la définition du tashbih, pour dire que nous on n'est pas des mushabbih, qu'on est des mushabbiha, parce qu'on affirme les attributs d'Allah. Donc si c'est parce qu'on affirme les attributs d'Allah que vous dites qu'on est des mushabbiha, alors ça veut dire dans ce cas-là que Allah dans le Coran il a enseigné le tashbih, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait le tashbih aussi, et que les sahaba ont fait le tashbih, parce qu'ils ont tous affirmé ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas une ressemblance, c'est une affirmation. Exactement. Tu répètes cet amour car tu n'affirmes rien, tu ne fais que redonner la même affirmation. Exactement. Donc tu affirmes ta foi en cet énoncé-là. Parce qu'eux, ils peuvent faire le contraire, alors que la preuve est là. C'est ça. Donc c'est là le problème. Donc nous, on lit les paroles des salafs et ils disent que le faire le tamthil, de faire le tashbih, que ça c'est shirk et kufr. Hein, effectivement, l'imam Ahmad, il a parlé de ça. Il a dit, celui qui fait le tashbih, il est kafir, il est mushrik. Et plusieurs des imams, ils disent ça. Mais il faut savoir, les imams des salafs, quand eux, ils disent que le tashbih, c'est haram, de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils parlent de ce que eux, ces gens-là, essaient de nous accuser, ce dont ils essaient de nous accuser? L'imam Ahmad, il l'a expliqué clairement qu'est-ce que c'est le vrai tashbih. La réalité du tashbih, c'est quoi? C'est que quelqu'un dise, par exemple, la main d'Allah est comme ma main. Hein? Ou bien la main d'Allah est comme la main des êtres humains, ou des fils d'Adam. Celui qui dit ça, ça c'est une ressemblance. Il compare Allah à sa créature, ça c'est du kufr. Mais si tu dis, Allah il a une main, et on dit, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Et sa main n'est pas comparable à la main des créatures. Comment peux-tu prétendre que ça, c'est du tashbih? Si tu dis ça, ça veut dire que dans ce cas-là, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement le prophète Mohammed, tous les prophètes d'Allah sont tous des mushabbiha, et ainsi que les sahaba, ainsi que les salafs, sans limite, sans exception. Et comme le cheikh Mohammed Aman, al-Jami, il expliquait, il disait... que quand il expliquait l'exemple des Jahmiyyah, qui sont les plus extrémistes, parce qu'eux, ils nient les noms et les attributs. Et les Mu'tazila, qui sont en dessous d'eux, eux, ils ont nié les noms, mais ils ont nié les attributs, mais ils ont affirmé les noms. C'est parce qu'eux, ils disent, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas voulu. C'est allégorique, symbolique. Ils refusent d'y croire. Hein? Ils disent Allah il a mentionné ces choses là mais c'est pas vrai, c'est pas réel, c'est juste symbolique. Oui, oui, c'est pour ça qu'ils disent que le Coran il est créé. Ils refusent de dire que c'est la parole d'Allah. Comme ça, si tu dis que c'est créé, que c'est pas la parole d'Allah, ça veut dire que tu peux jouer avec et accepter ce que tu veux puis rejeter ce que tu veux pas, hein? Et commencer à suivre ta passion avec la révélation. C'est ça le danger. Hein, de ça. Donc comme tu dis, comment est-ce que comment quelqu'un peut nier ce qu'Allah a dit, hein? C'est pas possible. Exactement. S'ils auraient juste dit qu'ils sont pas musulmans, comme tu dis, ça aurait facilité la tâche et le travail à beaucoup de gens, hein? On aurait pas eu de problème avec eux. C'est comme les ulama, ils ont vu les égarements des différentes sectes. Comme je te disais, les Jahmiyyah, ils ont dit, nous on croit pas, hein, on croit pas au nom ni aux attributs. Les salafs, ils ont dit, les Jahmiyyah sont des kuffars parce qu'ils ne croient ni au nom ni aux attributs. Ça veut dire qu'ils croient pas en Allah. Et les Mu'tazila, eux, ils sont venus, ils ont dit, non, on va affirmer les noms, mais on n'affirme pas les attributs. Hein? Donc les significations des noms, ils croient pas. Comme par exemple, Allah il est Alim, eux ils disent Alimun bila ilm. Allah il est Al-Qadir, ils disent Qadirun bila Qudra. Allah subhanahu wa ta'ala il est Sami', Al-Sami', ils disent Sami'un bila Sam'. Ils disent il est Basir, Basirun bila Basar. Yani, subhanallah. Alors les ulama ont dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est une contradiction. Et il y a une secte qui est apparue après eux, qui sont en dessous encore, les Asha'ira, et eux, ils ont dit, non, on affirme les noms d'Allah, et on affirme sept attributs seulement. Et les autres attributs, on ne les affirme pas. Hein? Donc, les ulama, ils ont dit, les Jahmiya, ils nous ont facilité la tâche. Parce qu'avec eux, c'est clair et net. Ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils nient les noms et les attributs. Mais les autres qui sont venus après, les Mu'tazila et les Asha'ira, eux, ils ont voulu essayer de prendre une partie de leur bid'a, puis d'essayer de le mélanger avec la vérité, Donc, ils ont rendu l'affaire plus compliquée. Parce que d'un côté, ils se montrent comme étant les vouloir défendre la religion, défendre la sunna, puis ils la combattent d'un autre aspect. Parce qu'ils refusent d'affirmer les choses que Allah a mentionnées. Ainsi que son messager. Donc, c'est comme si là, ils ont ramené une ambiguïté dans la religion. Parce qu'ils ne prennent pas une position apparente et claire et évidente. Donc, ils ont donné, c'est eux qui ont donné plus de tort et qui ont fait plus de tort aux musulmans, puisque quand quelqu'un il vient avec un égarement qui est clair et évident, tu dis, ah, lui, ça y est, c'est clair, son cas, il est évident. Mais quand quelqu'un vient avec des subtilités, puis il joue avec les mots, puis il commence à mélanger le vrai et le faux, là, ça devient plus compliqué. Et c'est sournois, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de détails qu'on pourrait expliquer à ce sujet-là. Et qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents. Mais bon, c'était juste pour terminer, pour expliquer ça, que ceux qui accusent les gens de la sunna d'être anthropomorphistes ou des choses de ce genre, c'est uniquement, comme on dit, pour jeter du sable aux yeux. Et on va revenir là-dessus au prochain cours. On va expliquer justement certains points par rapport à cette question-là. Et on est presque donc arrivé à la fin de la clarification de ces points-là. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته